Ainsi se termine cette nuit spéciale tourisme à Paris. Sylvain Patieu, vous avez commencé avec nous cette nuit, et pour cause, puisque vous êtes le commissaire d'une exposition qui s'appelle « Bon baiser de Paris, 300 ans de tourisme dans la capitale ». Cette exposition, c'est jusqu'à début mars, fin mars, 31 mars, rue Malher, dans le 4e arrondissement. Il y a un livre aussi, le livre de l'exposition, qui est très très très imagé, avec beaucoup de, évidemment d'affiches reproduites, de photos, de cartes postales, puisque « Bon baiser de Paris », évidemment, c'est un côté très carte postale. Le livre est édité chez Paris Bibliothèque Comité d'Histoire de la Ville de Paris. C'est donc, on aura compris, l'histoire du tourisme à Paris, puisque la nuit était spéciale tourisme. Donc voilà, c'est assez logique. Est-ce qu'il y a un lieu de Paris que vous avez découvert, qui n'est pas dans cet album, qui n'est pas dans l'exposition, qui n'est peut-être pas dans les guides qui parlent de Paris et que vous avez envie de faire connaître? Peut-être que vous n'avez pas envie de le faire connaître parce que du coup, il y aurait trop de monde. Ben moi, j'aime bien l'arrondissement où j'habite, qui est le 10e arrondissement de Paris. Donc je le ferai volontiers visiter. On passe très facilement d'un univers à un autre quand on parcourt ces rues. Et puis je remonterai le long du canal de l'Ourcq aussi jusqu'à la Villette, parce que je trouve que c'est très sympa de se balader au bord de l'eau. Et la géode qui a enthousiasmé votre première arrivée à Paris, nous avez vous dit. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiguïté quand même. Les touristes, on les souhaite, on les veut, on est très content d'entendre parler toutes les langues, de voir tout le monde. Et puis parfois, on trouve qu'il y a trop de monde aussi. C'est un peu idiot de notre part, sans doute. Alors c'est toujours la contradiction, mais je crois que les touristes, ils ont fait l'histoire de Paris. Et aujourd'hui, leurs accents, leur façon de se balader ont contribué à forger ce qu'est Paris aujourd'hui. Puis chaque récit de vacances, c'est un récit individuel. Et la somme de tous ces récits, on pourrait dire que c'est peut-être ça l'âme de Paris, en quelque sorte. Et on sait très bien qu'après, quand les touristes sont moins présents, on est moins heureux, parce qu'on, voilà, il nous manque beaucoup. Oui, ce cosmopolitisme, ça fait partie aussi de ce qui est attirant dans Paris. Donc, Bon baiser de Paris, Paris Bibliothèque, Comité d'Histoire de la Ville de Paris, 300 ans de tourisme dans la capitale, c'est le livre, Sylvain Patieu, et puis c'est l'exposition. Donc, on a aussi parlé du livre de Claude Mignot, Paris sans façade remarquable, publié chez Paris Gramme, et les deux livres, Les Montmartre 3 et Les Gastronomes Parisiens de Philippe Mello, publiés chez Omnibus. C'était donc cette nuit spéciale tourisme à Paris, Philippe Garbi, Élise Le, Hassan Mbé Chour, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Donc les émissions et les entretiens que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de, je vous laisse dire, Sylvain Patieu. De France Culture. Très bien. I want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais, that's for me. Bonjour Paris. Some window shopping in the Rue de la Paix, that's for me. Bonjour, Paris! I want to see the den of thinking men, like Jean-Paul Sartre. I must philosophize with all the guys around Montmartre. And Montparnasse, I'm strictly tourist. But I couldn't care less when they parlez-vous me. Then I gotta confess, that's for me. Bonjour Paris. Light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter, to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tour.